بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous commençons inshallah le cours numéro 2 sur le livre de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala concernant l'innovation, al-bid'a ta'rifuha anwa'uha wa ahkamuha. L'innovation, sa définition, ses catégories et son jugement. Donc toujours dans le premier chapitre, ici le Cheikh fait une remarque. Il dit le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah tanbih. Donc il y a une remarque ici. Man qassama al-bid'a إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غالط ومخطئ ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة وهذا يقول ليس كل بدعة ضلالة بل هناك بدعة حسنة. Donc dans la remarque, Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah a écrit: quiconque divise l'innovation en bonne innovation et mauvaise innovation s'est trompé et a commis une erreur et oppose sa parole sallallahu alayhi wa sallam et que toute innovation est un égarement, car l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a jugé sur toutes les innovations comme étant un égarement, et celui-là dit que pas toute innovation est un égarement mais il y a des bonnes innovations. قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين. Donc الحافظ ابن رجب a dit dans les explications des 40, يعني des 40 نوويه, des hadith des 40 نوويه. فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. Donc sa parole صلى الله عليه وسلم, toute innovation est un égarement. من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء. Il dit: donc dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est un égarement, fait partie des paroles concises et explicites dont rien n'est exclu de cela. Wa huwa asl azim min usul ad-din, et c'est un fondement important des fondements de la religion. Wa huwa shabih bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Et c'est un fondement important des fondements de la religion, semblable à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie se le verra rejeté. فكل من احدث شيئا ونسبه الى الدين ولم يكن له اصل من الدين يرجع اليه فهو ضلاله. Il dit ensuite: donc quiconque invente quelque chose. Donc quiconque invente quelque chose, parce qu'il dit فَكُلْ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ يَرْجَعْ إِلَيْهِ فَهُوَ ضَلَالًا. Donc quiconque invente quelque chose et l'impute à la religion, alors il n'y a aucune origine dans la, alors qu'il n'y a aucune origine dans la religion de cette chose-là imputée à la religion, se le verra rejeté sur lui, étant donné que c'est un égarement. Étant donné que c'est un égarement. وَالدِّينَ بَرِيءٌ مِنْهُ. Et la religion est, se désavoue de cet acte-là, est innocente de cela. وَالدِّينَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَسَائِلِ الْاِعْتِقَادَاتِ أَوَ الْأَعْمَالِ أَوَ الْأَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. Et que ce soit dans cela des questions relatives à la croyance, ou les œuvres, ou les paroles apparentes et cachées. انتهى. Fin de citation de la parole de l'imam Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Ensuite le Cheikh Salah Al-Fawzan hafidhahullah dit: وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. Et ces individus n'ont trouvé de preuve sur le fait qu'il y a une bonne innovation qu'en utilisant la parole de Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, lors des prières de Tarawih. Sa parole étant, quelle bonne innovation celle-ci. Et ils ont dit également, et ils disent également, ils ont dit également, إِنَّهَا أُحْدِثَتْ أَشْيَا لَمْ يَسْتَنْكِرْهَا السَّلَفِ. Ils disent, ils ont dit également que des choses ont été inventées, mais les prédécesseurs ne les ont pas reniées. مثل جمع القرآن في كتاب واحد, tel que la compilation du Coran en un seul livre. وكتابة الحديث وتدوينه, et l'écriture et la notation des hadiths. والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع. Donc eux, les innovateurs, qu'est-ce qu'ils essaient d'utiliser? Ceux qui veulent innover, inventer dans la religion d'Allah Azza wa Jal, la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Ils utilisent la parole d'Omar ibn Khattab radiallahu anhu lorsqu'il a dit « Quelle bonne innovation celle-ci !» Donc eux, ils veulent dire « Ah ben voilà, il y a des bonnes innovations. » Et ça, c'est de par leur jahl, leur ignorance et leur incompréhension des textes. Et ils ont dit aussi quoi? Ils ont dit que des choses ont été inventées, mais les prédécesseurs, les salafs, ne les ont pas reniées. Telles que la compilation du Coran en un seul livre, l'écriture et la notation des hadiths. Donc le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah répond à cela. Et ça, ce sont des choubouhettes que ramènent les égarés. D'accord? Et bien voilà comment répondent les savants. Il dit والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع. La réponse à cela, c'est que la réponse à cela est que toutes ces choses ont une origine dans la législation, elles ne sont donc pas inventées. D'accord? La compilation du Coran en un seul livre, l'écriture et la notation des hadiths, d'accord? Les salat tarawih, elles ont une origine dans la législation. Ce n'est pas des choses inventées comme ça. D'accord, comme les innovations le sont. D'accord. Wa qawl Omar ni'mat al-bid'a, et la parole de Omar, quelle bonne innovation. Yurid al-bid'a al-lughawiyya la shar'iyya. Voulant par cela, donc par cette parole-là, quelle bonne innovation, voulant par cela l'innovation au sens étymologique et non législatif. Donc c'est le sens étymologique. D'accord, l'innovation au sens étymologique et non législatif. Pourquoi? Parce que les tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et les sahabas priaient derrière lui. Donc c'est pas une innovation, subhanallah, le fait de prier les tarawih en groupe. Ensuite le Cheikh Salah Al-Fawzan hafidhahullah dit فَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرَعَ. Donc tout ce qui a une origine dans la législation يَرْجَعْ إِلَيْهِ, lui revient. إذا قيل إنه بدعة فهو بدعة لغة لا شرعا. S'ils disent que c'est une innovation du point de vue étymologique et non du point de vue législatif. D'accord? Donc tout ce qui a une origine dans la législation lui revient. Et celui qui n'a pas d'origine dans la législation, eh bien, est repoussé et retourné sur l'individu qui essaie de la rapporter. D'accord? Elle n'est pas acceptée. Parce que ça a une origine, les tarawih ont une origine, comme l'expliquera le shir par la suite, je ne vais pas le devancer. Barakallahu fikum. Donc il dit le shir, إِذَا قِيلَ إِنَّهُ بِدْعَ فَهُوَ بِدْعَ لُغَ لَا شَرْعًا. D'accord. S'il est dit, c'est une innovation, d'accord, pour ce qui a une origine dans la législation, comme les tarawih, d'accord. C'est une innovation du point de vue étymologique et non du point de vue législatif. Ensuite, il dit le cheikh, لأن البدع شرعا ما ليس له أصل في الشرع. Car l'innovation du point de vue législatif correspond à ce qui n'a aucune origine dans la législation. À ce qui n'a aucune origine dans la législation. وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع. Et la compilation du Coran en un seul livre a son origine dans la législation. لكن كان مكتوبا متفرقا. Mais il était écrit. Il était écrit, mais les feuillets étaient éparpillés. D'accord ? C'était écrit, mais c'était éparpillé. D'accord ? Ils ne s'étaient pas regroupés en un seul. وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع. Et la compilation du Coran en un seul livre a son origine dans la législation. يان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن. لكن كان مكتوبا متفرقا. Donc la compilation du Coran en un seul livre a son origine dans la législation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à ce que le Coran soit transcrit, mais sa transcription était éparpillée, dispersée. D'accord ? فجمعه الصحابة. Alors les sahaba radiallahu anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux, l'ont réuni fi mashaf wahid hifdan lah, l'ont réuni en un seul livre afin de le préserver. D'accord ? Et entre parenthèses, en effet, le Coran a été transcrit sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a ordonné à ce que soit transcrit ce qui lui est révélé de la part d'Allah le Très-Haut, par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Les sahaba ne l'ont pas écrit de par eux-mêmes, mais ont transcrit ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur récitait de la parole d'Allah le Très-Haut. Ceci sous l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous entendez les adhan, là c'est normal, mais là je suis en confinement, donc c'est pour ça. Barakallahu fik. Donc il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah dans le livre sur Al-Bid'a concernant le Coran, parce qu'il vient tout le temps avec ces choubouhettes là, ça le Tarawih, le Cheikh a montré, eh bien il y a une origine dans cela, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le prie avec les sahaba. D'accord ? Et ce qu'ils disent bonne innovation, eh bien c'est du point de vue étymologique et non point du point de vue législatif, car du point de vue législatif, quelque chose qui est innové du point de vue législatif, c'est ce qui n'a pas d'origine dans la législation. D'accord ? Alors que les tarawih ont une origine dans la législation. Omar radiallahu anhu a réuni les musulmans derrière un seul imam, comme les sahaba priaient derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même pour le Coran. Le Coran était déjà écrit du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Comme on l'a mentionné. D'accord ? Mais le Cheikh a dit, sa transcription était dispersée, tous les feuillets, ils ne s'étaient pas réunis en un seul. D'accord ? Alors les sahaba, radiallahu anhum, l'ont réuni en un seul livre afin de le préserver. Et ceci, d'accord, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والتراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. Et concernant les tarawih, le prophète صلى الله عليه وسلم les priait. والتراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي وتخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرد عليهم. واستمر الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعا متفرقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلف إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا بدعة في الدين. Donc ensuite il dit le cheikh, pour bien expliciter concernant les tarawih, il dit concernant les tarawih, le prophète صلى الله عليه وسلم les prie avec ses sahaba certaines nuits puis s'en est absenté par la suite, par crainte que les tarawih ne deviennent obligatoires. Et les sahaba, radiallahu anhum, ont continué de les prier en groupe dispersé durant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'après sa mort, jusqu'à ce que Omar radiallahu anhu ait réuni tous ces groupes dispersés derrière un seul imam, tout comme ils étaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en absente. Et ceci n'est donc en rien une innovation religieuse. On trouve aussi ceux qui sont remplis d'équivoques, disant oui, mais l'écriture des hadiths, d'accord? Alors, où est-ce que c'était écrit? Eh bien, ça, c'est par leur jahl, ça. Il dit le Cheikh Salah al-Fawzan, avidallah, وكتابه الحديث ايضا لها اصل في الشرع et l'écriture des hadith a également une origine dans la législation. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه بعض الاحاديث لبعض اصحابه لما طلب منه ذلك وكان المحذور من كتابته بصفه عامه في عهده صلى الله عليه وسلم خشيه ان يختلط بالقران ما ليس منه فلما توفي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المحذور لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته صلى الله عليه وسلم فدون المسلمون السنة بعد ذلك حفظا لها من الضياع فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا حيث حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من الضياع وعبث العابثين. Donc il dit le Cheikh, et l'écriture des hadiths a également une origine dans la législation. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'écriture de certains hadiths à certains parmi ses sahaba lorsqu'il lui était demandé cela. Et ceux qui avaient empêché l'écriture globale des hadiths durant son temps sallallahu alayhi wa sallam était la crainte que ne se mélange avec le Coran, que l'écriture des hadiths ne se mélange avec le Coran, ce qui n'en fait pas partie. Puis lorsqu'il décéda sallallahu alayhi wa sallam, cet empêchement n'avait plus lieu d'être. Pourquoi? Car le Coran était complet et exact avant sa mort. Les musulmans ont ainsi écrit la sunna après cela afin de la préserver de la perte. Qu'Allah donc les rétribue pour l'islam et les musulmans en bien, étant donné qu'ils ont préservé le livre de leur Seigneur et la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam de la perte et du badinage des prévaricateurs. Le chapitre 2 maintenant. Al-Faslu Thani. On va commencer déjà le chapitre 2, Inch'Allah. Le chapitre 2. Al-Faslu Thani, Zuhur al-Bid'a fi Hayat al-Muslimin wa al-Asbab allati addat ila dhalik. Dans le chapitre 2, le titre c'est l'apparition de l'innovation dans la vie des musulmans et les causes qui ont mené à cela. Awalan, Zuhur al-Bid'a fi Hayat al-Muslimin. Premièrement, l'apparition de l'innovation dans la vie des musulmans. وتحته مسألتان. Et dans ce cadre-là, il y a deux points. المسألة الأولى وقت ظهور البدعة. Le premier point, quand l'innovation donc est-elle apparue? C'est donc quand l'innovation est-elle apparue. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أدي Et sache que la majorité des innovations relatives à la science et aux actes d'adoration dans ce cadre-ci et autres sont apparus dans la communauté vers la fin des califats, des califes bien guidés. Comme cela a été informé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Quiconque d'entre vous vivra, verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. » Et la première innovation qui est apparue est l'innovation dans le destin, al-qadr. Donc il dit, c'est la suite de ce que dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, wa awwal bid'a dhaharat bid'at al-qadr wa bid'at al-irja' wa bid'at at-tashayyu' wal-khawarij هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون وقد أنكروا على أهلها. ثم ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتن بين المسلمين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة، وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت. Donc ceci est la suite de ce que dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, de Cheikh Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, de ce qu'a rapporté Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc Cheikh l'Islam a dit, parce que Cheikh Saleh Al-Fawzan donc rapporte la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah sur quand l'innovation est apparue. Donc Cheikh l'Islam dit, sache que la majorité des innovations relatives à la science et aux actes d'adoration dans ce cadre-ci et autres sont apparus dans la communauté vers la fin des califats, des califes bien guidés. Comme cela a été informé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Quiconque d'entre vous vivra, verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. » Et la première innovation qui est apparue est l'innovation dans le destin, qadr, et l'innovation de l'irjé. De l'irjé, on l'avait déjà expliqué dans le premier cours, c'est le murjia, ce sont ceux qui excluent les actes, ceux qui excluent les œuvres de la foi. D'accord ? Ils croient juste tant que tu crois avec ton cœur, etc. Bref. Donc on avait détaillé cela dans les cours précédents. Donc il dit, et la première innovation qui est apparue est l'innovation dans le destin, le qadr, l'innovation dans l'irjé, et l'innovation du chiisme, et l'innovation des khawarij. Ces innovations sont apparues durant le deuxième siècle. Et les sahaba étaient présents. Ils ont renié ces gens de l'innovation. Puis est apparue l'innovation de l'i'tizal. D'accord, on l'avait expliqué hier. Et les troubles entre les musulmans ont eu lieu. Et les divergences d'opinion sont apparues. Ainsi que la tendance vers les innovations et les passions. Puis est apparue l'innovation du tasawuf avec les soufis et l'innovation de construire des édifices au-dessus des tombes, tout ceci après les meilleurs siècles. Et c'est ainsi qu'à chaque fois que le temps s'éloigne, yani du temps des meilleurs siècles, les innovations augmentent et varient. Donc la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ça c'était la parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan, d'accord ? La parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, pour pas que je fasse d'erreur, s'arrête juste lorsque s'arrête le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Et sache que la majorité des innovations relatives à la science et aux actes d'adoration dans ce cadre-ci et autres sont apparues dans la communauté vers la fin des califats, des califes bien guidés, comme cela a été informé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Quiconque d'entre vous vivra, verra de nombreuses divergences, accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. » Donc ça s'arrête là la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ensuite, c'est les explications de Cheikh Saleh Al-Fawzan qu'on a vu ensemble. Donc, on a vu le premier point. Donc, quand est apparue l'innovation ? Donc, le Cheikh nous explique bien que c'est, d'accord, ces innovations, l'innovation dans le destin, du qadr, de l'irjé, du chiisme, des khawarij, d'accord, sont apparus durant le deuxième siècle. Et les sahabas étaient présents. Et ils ont renié ces gens de l'innovation. D'accord. Puis est apparue l'innovation de l'i'tizal. Et les troubles entre les musulmans ont eu lieu. Et les divergences d'opinion sont apparues. D'accord, ainsi que la tendance vers les innovations et les passions. Puis est apparue l'innovation du tasawuf. L'innovation de construire des édifices au-dessus des tombes. Donc vous voyez, tout ceci après les meilleurs siècles. Tout ceci après les meilleurs siècles. D'accord ? Et c'est ainsi qu'à chaque fois que le temps s'éloigne du temps des meilleurs siècles, les innovations augmentent et varient. Là, on a vu quand sont apparues les innovations. Le second point, le second point, les endroits d'apparition des innovations. تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراقان والشام منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدعة أصولية غير المدينة النبوية، فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر، أما التجهم فإنما ظهر في ناحية خراسان وهو شر البدعة، وكان ظهور البدعة بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية، وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مذمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما، إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم. J'ai pas terminé la parole de Cheikh al-Islam parce qu'elle est encore un peu plus longue, donc on va déjà commencer à traduire cette partie-là. Le second point, les endroits d'apparition des innovations. Les pays dans lesquels sont apparues les innovations sont divers. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, les principaux endroits dans lesquels les sahabas de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'où est sortie la science et la foi sont de 5. Les deux lieux sacrés, c'est-à-dire la Mecque et Médine, les deux Irak, c'est-à-dire Basra et le Koufa, le Chem, c'est la région de Syrie-Palestine, et de ces endroits sont sortis le Coran, donc les deux lieux sacrés, les deux Irak, le Chem. De ces endroits sont sortis le Coran, les hadiths, le fiqh, la jurisprudence, l'adoration, et tout ce qui suit cela concernant l'islam. Et de ces endroits sont apparues des innovations dans les fondements en dehors de Médine. Del Koufa est sorti le chiisme et l'irjé, qui se sont propagés par la suite vers d'autres endroits. De Bassora est sorti Al-Qadr et l'I'tizal, et l'ascétisme perverti se répandant par la suite vers d'autres endroits. Au Shem, il y avait le Nasab et le Qadr. Nasab, c'est quoi en fait? Les Nawasab, c'est qui? En fait, ce sont ceux qui ont comme religion en fait l'animosité envers Ali radiallahu anhu, en le prenant comme ennemi. Cheikh Mohammed Salah al-Uthaymin avait dit à leur sujet sur les Nawasab, sont ceux qui expriment l'animosité envers la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils les insultent, ils sont à l'opposé des Rawafad. Ça, vous trouverez ça dans l'explication de l'Wasitiya. Donc, là, toujours dans la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, au Shem, il y avait le Nasab et le Qadar, tandis que le Tajahum, donc Al-Jamiya, est apparu quant à lui du côté de Khurasan. Khurasan, c'est tout ce qui est... Khurasan, c'est tout ce qui est... C'est du côté Asie, d'accord, entre pas loin de l'Asie. Il dit, tandis que le Tajahum est apparu quant à lui du côté de Khurasan, qui est l'une des plus mauvaises innovations. Ensuite, il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah... Alors, il avait dit l'apparition des innovations débutait en fonction de l'éloignement de la maison prophétique, c'est-à-dire à Médine. D'accord ? فلما حدثت الفرقة انا attendez faut pas que je me mélange là subhanallah oui فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية. Donc après que les factions se sont constituées après le meurtre de Othman, le meurtre d'Othman ibn Affan radhiyallahu anhu, l'innovation des Haruriyya est apparue. L'innovation des Haruriyya est apparue. Donc Haruriyya, ça peut paraître un autre... Alors là, vous avez pu entendre déjà ce terme-là. Harura, c'était l'endroit d'où est sortie l'innovation des Khawarij, qui se regroupait en fait à cet endroit-là. D'accord ? Ensuite, il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع. Tandis que Médine était préservée de l'apparition de cette innovation. وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم ولكن كانوا مذمومين ولكن كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام فإنه كان ظاهرا. D'accord ? Donc là, il montre un point ici. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit... Donc là, on a vu les différents endroits où est-ce qu'il y a eu l'apparition des innovations. D'accord ? Il débutait en fonction de l'éloignement de la maison prophétique. D'accord ? Après que les factions se sont constituées après le meurtre de Othman ibn Affan, l'innovation des Harouriyat, les Khawarij, est apparue. Tandis que Médine était préservée de l'apparition de cette innovation, même s'il y trouvait... Même s'il s'y trouvait quiconque qui était enclin vers cela, vers les innovations, ils étaient avilis et réprimandés. Ou il s'y trouvait des gens de la Qadariya et d'autres. Cependant, ils étaient réprimandés et humiliés. D'accord ? À l'opposé du chiisme et l'irjé à Al-Kufa en Irak, ainsi que l'i'tizal et l'innovation du Nosuk à Basra, toujours en Irak, et le Nosban au Shem. Où ils étaient là, apparents. Vous voyez, donc à Médine, ceux qui voulaient tomber dans ces innovations-là, cités par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallah, ils ne pouvaient pas être apparents comme ça, et puis bomber le torse, etc. Ils étaient réprimandés et humiliés. D'accord ? Ils étaient réfutés. Tandis que dans les endroits au niveau de l'Irak, d'accord ? Au niveau du Chêne, où ce qu'il y avait l'Irjé, l'I'tizal, Nosob, tout cela, eh bien, ils étaient apparent dans ces endroits-là, contrairement à Médine. D'accord ? وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن الدجال لا يدخلها لا يدخلها. Donc il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et il a été confirmé dans l'authentique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Médine que le Dajjal n'y rentrera pas. وَلَمْ يَزَلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَزَلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ بِهَا ظَاهِرًا إِلَى زَمَنَ أَصْحَابِ مَالِكِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ. Il dit donc, il a été confirmé dans l'authentique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Médine que le Dajjal n'y rentrera pas. Et la science et la foi, ils sont toujours apparents jusqu'au temps des compagnons de Malik, qui lui fait partie des gens du 4e siècle. Donc cette parole-là, de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est tirée de Majmou' al-Fatawa, tout comme la précédente que Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhahullah, avait mentionnée. Ensuite, il dit Cheikh Salah al-Fawzan, « فَأَمَّا الْعُصُورَ الثَّلَاثَ الْمُفَضَّلَ فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِالْمَدِينَ النَّبَوِيَّ بِدْعَ ظَاهِرَ الْبَتَّةَ ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. Tandis que dans les trois meilleurs siècles, il n'y avait pas du tout d'innovation apparente comme celle-ci sortie des autres endroits. Donc, on va s'arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. Et demain, inshallah, toujours même horaire à 20h, inshallah, on verra donc les causes qui ont mené à l'apparition des innovations. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.